fille qui m'appelle depuis son numéro belge. Je me demande si je suis en galère. C'est vrai qu'on a toujours de la maille à faire. On a de la maille à faire, de la maille à faire. Dans ce game en aparté, choisir un parti trop risqué. Pas de carrière sans détermination. Le R&B, ma nation. C'est pas en une seconde, c'est en une fraction. Quand les vêtements tombent, on se fait faire tout un tas de flexions. Pas de cheat code à disposition. Voudrais voler un Van Gogh et voir les propositions. J'ai pas écouté, j'ai pas fait sur Binance. Je résiste autant que pouvait le faire Byzance. Alerte à la nuisance. Tous ces chanteurs ont vu ma bite dans leur caisse à résonance. J'suis dans l'outrance. Non, j'suis dans l'urgence, ma mène. J'suis comme toutes ces biatches qu'on tient par la main en récitant de sales poèmes. Vicky m'appelle depuis son numéro belge. Je me demande si j'suis en galère. C'est vrai qu'on a toujours de la maille à faire. On a de la maille à faire, de la maille à faire. Vicky m'appelle depuis son numéro belge. Je me demande si j'suis en galère. C'est vrai qu'on a toujours de la maille à faire. On a de la maille à faire, de la maille à faire. On fait des voyages à petits coups, de petits coups, pour se sentir démunis un peu partout. C'est la mentale et le réseau qui priment. Mais quand la peur s'infiltre, on se dit que tous ces soi-disant artistes sont juste des lobsins qui se disputent le titre. Oh, je me suis fait jouir tant de fois, et tant de fois repassé par la case départ. C'est pas comme si j'avais le choix, mais je me suis laissé le choix. Trop longtemps resté à la surface, jamais réussi à briser la glace. Je serais bien passé sous le bureau, mais c'est pas ma place. J'aime quand ça se passe simplement, mais c'est pas ce qu'ils veulent, non. Chaque rencontre humaine est une source possible d'investissement. La date de péremption me guette, sauf si je leur prépare le space cake. J'ai pas lâché l'affaire au bon moment. L'impression d'être le dernier des comanches. J'ai plus assez de tour dans la manche. Vicky m'appelle quand j'ai la corde qui me démange. Vicky m'appelle depuis son numéro belge. Je me demande si je suis en galère. C'est vrai qu'on a toujours de la maille à faire. On a de la maille, on a de la maille à faire. De la maille à faire. Vicky m'appelle depuis son numéro belge. Je me demande si je suis en galère. C'est vrai qu'on a toujours de la maille à faire. On a de la maille à faire, de la maille à faire. De la maille, de la maille, de la maille à faire. De la maille, de la maille, de la maille, de la maille. Motherfucker.